François Morel, c'est à vous. Déshabillez-vous. Pardon ? Déshabillez-vous, vous allez faire le tour de la rédaction tout nu. Nous allons pouvoir juger de l'effet comique. Vous vous souvenez de la scène dans le film Le Jouet, réalisé, scénarisé et dialogué par Francis Weber, entre Michel Bouquet dans le rôle de Pierre Rambal-Cochet, terrifiant milliardaire patron de France Hebdo, et Jacques François dans celui du Larvaire, rédacteur en chef Blénac. Déshabillez-vous. Pardon ? Déshabillez-vous, vous allez faire le tour de la rédaction tout nu. Nous allons pouvoir juger de l'effet comique. Monsieur le Président, je vous dis de vous déshabiller. Jacques-François Blénac retire alors sa veste, déboutonne son pantalon qui tombe sur ses chaussures. On voit son caleçon et ses pauvres cuisses. Mais qu'est-ce que vous faites, Blénac ? Je me déshabille, Monsieur le Président. Si je ne vous avais pas arrêté, vous vous mettiez tout nu et vous faisiez le tour de la salle de rédaction. C'est vous qui me l'avez demandé, Monsieur le Président. J'ai une question importante à vous poser, Blénac. Qui de nous deux est le monstre ? Moi qui vous demande d'ôter votre pantalon ou vous qui acceptez de montrer votre derrière ? Je pensais à cette scène mémorable en apprenant que Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret, avait fait voter il y a peu une modification de son indemnité de maire afin de compenser la perte de son mandat de député suite à cette loi qui doit lui sembler ignominieuse, celle du non-cumul des mandats. Le conseil municipal de Levallois-Perret a voté une augmentation de l'indemnité du maire portée à 4257 euros mensuels. Cette mesure compensatrice aura pour conséquence directe d'ajouter du beurre dans les épinards déjà gras de Balkany, mais aussi de diminuer les émoluments de 13 adjoints qui, jusqu'à présent, se répartissaient la somme que Patrick Balkany ne s'octroyait pas lui-même. Ils vont ainsi perdre 76 euros par mois. On connaît Patrick Balkany qui jamais ne déçoit. On arrive à saisir assez facilement son style, sa psychologie, son comportement, son projet personnel. Mais on aimerait savoir dans quel état d'esprit les 13 adjoints de Levallois-Perret ont consenti à baisser si charitablement leur salaire afin d'augmenter celui de l'édile. On aimerait savoir qui sont ces personnalités si extraordinaires, si sacrificielles, si peu égoïstes. On aimerait les connaître. On aimerait que les journalistes fassent de grandes enquêtes afin d'approcher ces personnes qui nous enseigneraient tant de choses sur la nature humaine. Qui sont les monstres ? Merci François Morel.